Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Deuxième épisode. Pip, orphelin de naissance, est élevé à la dure par sa sœur Madame Jo Gargery. Il ne trouve de réconfort qu'auprès de son beau-frère, Jo le forgeron, lui-même sous la coupe de sa femme. Un soir de Noël, Pip, au hasard d'une mauvaise rencontre, est contraint d'aider un forçat évadé. Pour mon éducation, j'allais à l'école du soir, tenue par la grand-tante de M. Wopsle. Cette vieille femme ridicule, aux moyens limités, contrairement à ses infirmités, dormait chaque soir de 6 à 7 devant des jeunes gens qui payaient 2 pennies par semaine pour cet édifiant spectacle. Un soir d'hiver, traçant des bâtons sur mon ardoise, je m'efforçais de rédiger une lettre pour Joe qu'il reçut comme un miracle d'érudition. Pipe, mon vieux, nom d'une pipe, d'un sacré lettré. Mes lignes, ça fait un peu des collines, mais c'est une lettre complète écrite pour toi, Joe. Mais qu'est-ce que je vois là? Mais c'est un J et un O. Drôlement à la hauteur, le O. Un J et un O. Pip. J-O. Autant dire Joe. Lis le reste. Le reste. Là, j'en vois 3. 1, 2, 3, J et 3, O. Ça nous en fait plusieurs, des Joe. Et comment t'écris Gargery? Je l'écris pas. Mais à supposer que tu décides de l'écrire. Ça se suppose pas. Tu allais à l'école, Joe, quand t'étais petit, comme moi? Non, Pip. Et pourquoi tu n'es jamais allé à l'école? Je t'explique. Mon père était, comme qui dirait, porté sur la boisson, et quand ça le prenait, il cognait sur ma mère comme un sourd, comme on dit. Le reste du temps, il cognait pas, à part sur moi. Par là, je veux dire, il mettait autant de force à me cogner dessus qu'il en mettait à pas taper sur son enclume. Tu comprends, Pip? Oui, Joe. Plein de fois, on est parti avec ma mère et elle me mettait à l'école. Mais mon père, qui avait bon cœur, ne savait pas se passer de nous. Et il faisait du ramdam jusqu'à ce qu'on nous rende. Et après, il nous recognait dessus. En conséquence de quoi? Que ça n'a pas fait progresser mon instruction. J'imagine, Joe. Faut comprendre aussi, à chacun son dû, qu'au fond, mon père, c'était un brave homme. Et que s'il n'y a pas quelqu'un pour faire bouillir la marmite, elle bouillera pas. C'est sûr. Moi, je voulais mettre sur sa pierre tombale... Peut-être pas parfait, mais du cœur, il en avait. Lecteur. Ça m'est sorti comme ça d'un coup, j'en revenais pas. Je l'aurais fait graver, mais la poésie, ça coûte cher. Que tu la tailles en grand ou en petit. Et mes économies, j'en avais besoin pour ma mère qui avait une petite santé. La pauvre a vite suivi son mari et trouvé la paix. Enfin, c'était triste d'être tout seul ici. Et puis j'ai connu ta sœur. Et ta sœur, c'est un beau brin de femme, Pip. La famille peut dire tout ce qu'elle veut, et le reste du monde pareil, Madame Jo Gargery, c'est ce qui s'appelle un beau brin de femme. C'est bien que tu le penses, je trouve. Moi aussi, je trouve, Pip. C'est bien que je le pense. Quand j'ai fait la connaissance à ta sœur, on disait comme quoi elle t'élevait à la main et que c'était bien de sa part. Et je pensais pareil. Mais pour ce qui est de toi, si t'avais vu comme t'étais tout flasque et tout minus et vilain comme un pou, je te jure que même toi, ton opinion de toi-même, elle n'aurait pas pu être bonne. On parle d'autre chose, Joe. Hors de question, Pip. Comme je lui ai dit à ta sœur, quand elle a été prête et d'accord pour s'installer à la forge, elle pouvait amener avec elle le pauvre gosse. Il y avait place pour lui aussi. Et faut pas pleurer, mon vieux. Et voilà, on est là. Nous voilà là. meilleur copain pour la vie. Oh, voilà la jument de Monsieur Pumblechook. Elle teinte comme un carillon. Si ce garçon n'est pas reconnaissant à cette heure, c'est qu'il ne le sera jamais. Faut juste espérer qu'on va pas le bichonner. Là-dessus, j'ai mes inquiétudes, je vais pas le cacher. Oh, elle est pas comme ça. Elle est trop avisée pour ça. Eh ben, Monsieur Joe, qu'est-ce que c'est que ces hurons? La maison brûle? C'est que quelqu'un a mentionné une certaine elle. Elle, c'est elle, non? À moins que tu ne dises « il » pour Mademoiselle Havisham. Et même toi, tu n'irais pas jusque-là, je pense. Mademoiselle Havisham qui habite en ville? T'en connais une ailleurs? Elle veut que celui-là ait joué chez elle. Ça alors. Une dame aussi riche et aussi, bizarre. Comment qu'elle a pu le connaître, notre pipe? Quelle nouille! Qui t'a dit qu'elle le connaissait? Si c'est qu'elle voudrait qu'il aille jouer chez elle, comme j'ai cru entendre. Comment c'est venu? Et ce serait-il pas envisageable qu'oncle Pumblechook soit son locataire à Mademoiselle Havisham et que des fois il lui arrive d'aller chez elle payer son loyer et qu'à l'occasion elle lui demande s'il connaîtrait pas un garçon pour venir jouer chez elle? Et ce serait-il pas envisageable qu'oncle Pumblechook, toujours plein d'égards pour nous, même si tu penses tout contraire, Joseph, mentionne le gamin qui se tient là? Qui fait le pan plutôt, dont j'ai été l'esclave volontaire toutes ces années. Bien dit, ma bonne dame. Tu sais tout désormais, Joseph. Non, tu ne sais pas tout, Joseph. Tu le crois, mais c'est faux. Oncle Pumblechook, considérant que la fortune de ce garçon est faite, l'emmène en ville, passer la nuit chez lui et le livrera lui-même à Mademoiselle Havisham demain matin en main propre. La maison de Mademoiselle Havisham était une sinistre construction de briques dont certaines fenêtres avaient été murées. Une grille cernait entièrement le jardin. En passant la tête, j'aperçus sur le côté une brasserie à l'abandon. À l'abandon depuis longtemps. Très longtemps. 11h. Nous sommes d'une parfaite ponctualité. Pumblechook! Exact! Tiens-toi droit. Et ne parle pas. Fais voir tes mains. Dessous. L'autre. Les ongles. Ouais, ouais. Tu ne l'as pas là. Bonjour, mademoiselle. Lui, c'est Pip. Bonjour. Lui, c'est Pip, alors. Entre, Pip. Mon garçon, que ton comportement soit digne des personnes qui t'ont élevé à la main. Suis-moi, petit. Bonne journée, Pip. Au noir. Tu ne vois pas la bougie allumée? C'est là. Tu peux entrer, petit. Après vous, mademoiselle. Ne dis pas de bêtises. Je n'entre pas et j'emporte la bougie. J'entrais dans une grande pièce, très bien éclairée par des bougies de cire. On aurait dit un cabinet de toilette avec au centre sa coiffeuse drapée de blanc et son miroir doré devant lequel était assise une dame. Un coude sur la table et la tête appuyée contre la main. La femme la plus étrange que j'ai jamais vue et verrai jamais. Elle portait une robe de satin, blanche comme ses cheveux, d'où tombait un long voile blanc garni d'une couronne de mariée mal ajustée. Une pendule était arrêtée à 9h20, comme la montre sur la table. Ce qui semblait d'abord d'une blancheur immaculée se révélait progressivement jauni par le temps. La mariée s'était desséchée jusqu'à n'avoir plus que la peau sur les os. Et comme ses fleurs fanées, elle avait perdu tout éclat, sauf celui de ses yeux enfoncés dont elle tourna le sombre regard vers moi. Qui est-ce ? Pip, madame. Pip ? Le garçon envoyé par Monsieur Pumblechook. Je suis venu pour jouer. Approche, que je te regarde. Viens tout près. Tourne-toi vers moi. Tu n'as pas peur de regarder une femme qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis le jour de ta naissance? Non. Sais-tu ce que je touche là? Oui, madame. Qu'est-ce que je touche? Votre cœur. Brisé. Je suis fatiguée. Je veux de l'animation et les adultes m'ennuient. Joue. Allez, allez. Joue, joue, joue. Serais-tu boudeur et têtu? Non, madame. Je suis désolée pour vous, et encore plus désolée de ne pas pouvoir jouer à l'instant, parce que si vous êtes mécontente de moi, je vais avoir des problèmes avec ma sœur. Alors, si je pouvais, je le ferais. Mais tout est si nouveau pour moi ici, si étrange et si beau et mélancolique. Nouveau pour lui, si vieux pour moi, étrange pour lui, commun pour moi, mélancolique pour lui et moi. Appelle Estella. Appelle Estella. Ça, tu es capable de le faire? Appelez Estella à la porte. Estella ? Estella ? Joue avec ce garçon. Quoi? Avec ce petit paysan vulgaire? Eh bien, tu n'as qu'à lui briser le cœur. À quoi sais-tu jouer? À la bataille seulement. À la bataille? Eh bien, va-le. Tu sais donner au moins? Oui, mademoiselle. Même pas donner avec ses grosses mains d'ouvrier et ses épais souliers. Je vais donner. Elle parle de toi méchamment et toi tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu penses d'elle? J'ai pas envie de le dire. Dis-le-moi à l'oreille. Je la trouve très fière. Quoi d'autre? Je la trouve très jolie. Quoi d'autre? Très méprisante. Quoi d'autre? Et je crois que j'aimerais bien rentrer chez moi. Et ne plus jamais la revoir alors qu'elle est si jolie? Je n'aimerais pas ne plus jamais la revoir. Mais là, j'aimerais bien rentrer chez moi. Tu vas d'abord finir la partie et tu vas revenir. Voyons voir quand... C'est mercredi aujourd'hui, madame. Je ne veux rien savoir des jours de la semaine et des mois de l'année. Reviens dans 6 jours. Oui, madame. Jouez. 5. Mademoiselle Avicham me congédia et Estella me donna à manger une écuelle de pain et de viande et une chopine de bière. Humilié, je ne pus retenir les larmes qui me montèrent aux yeux pour la plus grande satisfaction d'Estella qui tourna alors les talons. Je restais seul. On aurait dit un chien puni. Dans le petit univers où vit l'enfant, rien n'est ressenti si finement que l'injustice. Il ne peut être exposé qu'à de petites injustices, mais l'enfant est petit, son monde est petit, et son cheval de bois a pour lui la taille d'un cheval de trait. C'est l'heure. Suis-moi, petit. Pourquoi tu ne pleures plus ? Parce que j'en ai pas envie. Tu parles. Tu as pleuré comme un veau. Et tu es encore au bord des larmes. Adieu. Sur le chemin du retour, je repensais à tout ce que j'avais vu et entendu et ne cessais de retourner dans ma tête que je n'étais qu'un petit paysan vulgaire, que mes mains étaient grossières, mes souliers épais. Que j'étais bien plus ignorant que ce que je pensais la veille et que, d'une manière générale, j'étais mal parti dans la vie. J'aperçus de loin ma sœur qui guettait mon arrivée depuis le pas de la porte. J'eus beau ralentir le pas, il me fallut bien arriver. Elle t'a parlé ? Un peu. De quoi ? Je vais t'apprendre un peu à hausser les épaules. Tu veux que j'aille chercher Chatouille ? Non. J'étais sûr de n'être pas compris si je décrivais Mademoiselle Avicham telle que mes yeux l'avaient vue. Pire, elle ne serait pas comprise, et bien qu'elle me soit incompréhensible, la traînée telle qu'elle était sous le regard avide de Madame Jo aurait eu quelque chose de grossier et d'incorrect. Tâche de faire mieux que ça avec oncle Pambelchouk. Sinon... T'en tueras, crois-moi. Alors, mon garçon, comment s'est passée cette visite en ville ? Pas mal, monsieur. Pas mal ? T'as pas de réponse ? Qu'est-ce que tu veux dire avec ton pas mal ? Je veux dire pas mal. Oh. Non, non, ne vous énervez pas, ma bonne dame, je me charge de ce garçon. Je m'en charge. Alors, à quoi ressemble Mademoiselle Avicham ? Très grande et brune. C'est vrai, mon oncle ? Oui, sans doute. Et que faisait-elle quand tu es arrivée ? Elle était assise dans un carrosse de velours noir. Un carrosse de velours noir ? Oui. Et Mademoiselle Estella, sa nièce, je crois, lui a servi par la portière du gâteau et du vin sur une assiette en or. Et on a tous mangé dans des assiettes en or. Moi, j'ai mangé debout à l'arrière parce qu'elle me l'avait demandé. Qui d'autre était là ? 4 chiens. Petits ou grands ? Immenses. Mais d'où Jésus ? Il était où, ce carrosse ? Dans la chambre de Mademoiselle Avicham. Mais il n'était pas attelé. Est-ce possible, mon oncle ? À mon avis, il parle d'une chaise à porteur. Elle est un peu particulière, vous savez, même très particulière. En tout cas, suffisamment pour passer ses journées dans une chaise à porteur. Mais ce garçon est allé là-bas pour jouer. Alors, à quoi as-tu joué, mon garçon ? Au drapeau. Estella agitait un drapeau bleu, moi un drapeau rouge. Et par sa portière, Mademoiselle Avicham en agitait un plein de petites étoiles dorées. Et après, on a tous brandi nos épées en criant « Hourra !» Et toute la maison était sombre, éclairée seulement par des bougies. Ça, c'est vrai. C'est la réalité de la situation que j'ai pu constater par moi-même. Mm-hmm. J'aurais fini par me trahir, mais Joe nous rejoignit pour boire une tasse de thé et Madame Joe lui raconta en détail toutes mes inventions. Quand je le vis écarquiller ses grands yeux bleus et les faire rouler d'un bout à l'autre de la cuisine dans une désarmante sidération, alors seulement je fus saisi de remords. Joe avait un homme à tout faire qui s'appelait Orlick. Il avait la carrure large, les jambes souples, le teint bistre, très costaud, jamais pressé, toujours voûté. À 25 ans, il parlait de lui-même comme d'un vieillard. Ce travailleur morose ne m'aimait pas. Ce jour-là, j'attendis prudemment qu'il ait quitté la forge. À demain, Orlick. Joe, avant que tu éteignes le feu, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Et c'est pas la peine de tortiller ma manche comme ça. Joe, tu te rappelles tout ce que j'ai raconté sur Mademoiselle Havisham? Un peu que je m'en rappelle. Merveilleux. C'est affreux, Joe. Mais c'était pas vrai. Quoi? Tu veux pas dire que c'était... Rien que des mensonges. Si, Joe. Quand même pas tout. Non. Mais les chiens, au moins. Un chien seulement. Qu'est-ce qui t'a pris? La vérité, c'est que j'ai rien pu leur expliquer à Madame Joe et à l'oncle Pumblechook. Parce qu'ils sont méchants avec moi. Mais toi, Joe, peut-être tu peux comprendre. Parce que là-bas, il y avait une jeune fille très jolie et horriblement fière. Et elle a dit que j'étais grossier et ordinaire, ce que j'ai pas envie d'être. Mais je sais quand même que c'est vrai. Et c'est à cause de ça tous mes mensonges. Même si je comprends pas bien pourquoi. Un truc de sûr, Pip. Les mensonges, ils arrivent comme ils devraient pas. Et c'est pas avec eux qu'on arrête d'être grossier et ordinaire. En plus, il y a des choses où t'es pas ordinaire du tout. Par exemple, ta taille. Tu es très très petit. Pip, sans parler qu'en plus, tu sais écrire. Tu m'en veux pas, Joe? Non, mon vieux. Mais faudra bien méditer dessus quand tu iras te coucher. C'est tout. Et il fait plus. Jamais plus. Oui, Joe. Ce fut un jour mémorable qui devait apporter de grands changements dans ma vie. Une seule journée suffit pour que le cours d'une vie entière en soit changé. C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation Sylvie Granotier. Deuxième épisode. Avec Jacques Gamblin, Pauline Ziadé, Yann Boudot, Marie-Christine Horry, Bruno Abraham Crémer, Dominique Raymond, Lou Nizard. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.